L'homme qui a réussi. Monologue de Charles Cros, 1882. Tenue de soirée. Il entre en s'éventant avec son chapeau en galette. Elle est ravissante, cette baronne, mais elle est fatigante. J'ai beau crier partout que je ne sais pas valser. Je ne sais pas ce qu'elles ont toutes, ces dames. Elles ont si bien arrangé les choses que tout à l'heure il va falloir recommencer avec la marquise. Oh, les femmes, c'est charmant, mais ça n'a pas de suite dans les idées. Mais comment faire pour ne pas valser? Moi qui suis attachée d'ambassade, attachée de première classe depuis ce matin. Moi, la valse, ça me secoue, ça me détourne, j'y perds le fil de mon idée. Enfin, nous sommes seuls, je vais pouvoir causer. Je suis née au Mans, mais je n'ai pas été élevée au Mans. C'est dans un petit endroit des environs du Mans que j'ai été élevée. J'apprenais les écritures chez la directrice des postes. Mon père la connaît. Elle avait des petites réceptions le samedi. Vous savez, le loto, l'eau chaude. Eh bien, c'est là-dedans que j'ai commencé à avoir de l'ambition. Le dimanche, dans l'après-midi, j'allais à l'hôtel du commerce pour me remettre, pour entendre causer, pour avoir des nouvelles. Il y avait un cuisinier habillé en blanc qui s'appelait Martin. Il m'avait pris en amitié, ce Martin. Il trouvait que je ressemblais à sa mère. C'est avec lui que je dois mon idée, et c'est avec lui que j'ai travaillé. Oh, je ne suis pas cuisinier, puisque je suis attaché d'ambassade. Première classe depuis ce matin. Il écoute. J'ai le temps, il commence le quadrille. Oui, ce Martin faisait les pommes de terre soufflées. Mon Dieu, pas extraordinairement. Mais enfin, il les faisait. Je regardais ça, moi. Je lui ai dit. Comment arrivez-vous à ce que ça gonfle comme ça? On dirait qu'il y a de l'air dedans. Il me dit. C'est bien simple. Oh, il n'était pas fort. Je laisse refroidir ma friture. Enfin, il m'expliquait son procédé. Il se moquait d'abord de moi, ce Martin. Puis après, il apparut fâché. Je les faisais mieux que lui, les pommes soufflées. Nous avons été en froid, et je n'ai pas continué à aller à l'hôtel, parce que je n'aime pas fréquenter les cuisiniers. Mais je les faisais, moi, les pommes de terre soufflées. Je me rappelle la première fois que j'ai essayé. J'étais chez papa. Ça a commencé par étonner. Je n'avais rien dit, et maman est venue crier. « Je ne veux pas que tu restes comme ça dans la cuisine !» Alors je me suis mis à rire et j'ai fermé la porte. J'ai fait mon plat de pommes soufflées. Mon père est un excellent homme, mais il ne sait pas. Enfin, mon plat a fait un effet, vous savez, en province. C'est là qu'il y avait le receveur des contributions directes qui a raconté ça à la sous-préfecture et qui a dit « C'est un garçon impossible !» Vous ne le croiriez pas. Eh bien, j'ai été invité à la sous-préfecture. C'est la femme de ce receveur des contributions directes qui s'était fait soigner d'un chaud et froid par un médecin dont la sœur... Enfin, ce serait trop long à vous dire. Un autre que moi aurait été interloqué. Mais non, j'avais mon idée. J'ai regardé la cheminée. Je regarde d'abord la cheminée quand j'entre dans un salon. À minuit et demi, tout le monde allait se coucher. C'est une petite sous-préfecture. La femme du receveur me dit. Faites donc quelque chose de drôle. Vous êtes si drôle, on va s'en aller. Alors moi, j'avise un grand gars de domestique en culotte courte et mollet blanc. Il portait un plateau avec des sirops. Je me mets à crier. Donnez-moi un torchon, une poêle et du sein doux. Tout le monde s'arrête de causer. J'entendais les dames sous leurs éventails dire. « Oh, il est drôle. Qu'est-ce qu'il va faire ?» Puis la sous-préfète se mit à dire en frappant des mains « Ça, c'est un torchon. » Et moi j'ajoute « Et puis du sel gris et des pommes de terre et un couteau. »« Non, non, j'ai mon couteau. » Alors on m'apporte ça, je m'installe devant le feu, je retire le garde-cendre, je frotte la poêle avec un paquet de lettres que j'avais dans ma poche, je garde mes gants, je garde toujours mes gants. Je mets la poêle sur le feu, le sein doux dans la poêle. Je fais tenir la poêle à un cousin du sous-préfet, un garçon très gentil. Oh, il m'a été bien utile. Mais il ne réussit pas dans l'administration. il n'y a pas de suite dans les idées. Alors moi, je m'installe avec le torchon sur mes genoux. Mon pantalon était de peluche. Ils ont de mauvais linges dans les sous-préfectures. J'épluche mes pommes de terre dans le torchon pour ne pas salir mes gants. Je les coupe toujours dans le torchon. Je garde les épluchures dans un coin du torchon. Et alors, les pommes de terre coupées, vlan, je les fais tomber dans la friture. Il écoute. Oh, j'ai le temps. Ils n'en sont qu'à la troisième figure du quadrille. Les pommes de terre étaient donc dans la friture. Je les regarde, elles commencent à cuire. Il faut qu'elles soient pâles, très pâles. Je les retire du feu. Et je dis, non, c'est manqué. C'est manqué, une polka. Il y avait des gens qui faisaient la figure. Ma destinée était en jeu, il fallait réussir. La polka finie, je remets les pommes de terre sur le feu. J'en avais très peu mis de pommes de terre, il en faut très peu. Alors il y en a une première qui gonfle. Et puis les morceaux, tous les morceaux. C'était comme une traînée de poudre. Ça enflait, ça se soulevait. J'étais sauvé. Je fais un geste en remuant la poêle. Je me retourne. Il y avait bien 25 personnes derrière moi. Je crie « Le sel, le sel !» Tout le monde court chercher le sel. Je sale du premier coup, après avoir égoutté. Madame la sous-préfète, à vous l'honneur. Écoutez, on voyait la lumière à travers les pommes de terre. Enfin, ça n'était que du vent. Ça a été une fureur. J'étais lancé complètement. C'est à la suite de cette soirée que je suis venu à Paris. Il écoute. J'entends la valse. Non, c'est le galop du quadrille. J'étais lancé. Et malgré tous mes ennemis, depuis ce temps-là, je n'ai fait que réussir, réussir. Pourtant, une fois, tenez, c'était le prince Chikeksi, un Polonais, au château des Pressoirs. Eh bien, j'ai failli perdre toute ma position. Il y avait là beaucoup d'invités, des artistes, des savants, des militaires, vous savez, de ces gens qui n'ont pas de suite dans les idées. Ils n'avaient aucun succès. Il y avait 8 jours que j'étais au château, et je me dis, le moment est venu. J'avais, comme toujours, l'air triste, parce que je n'aime pas causer. Je ne cause jamais, vous comprenez, avec ma réputation. Les dames disaient, qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux, lui, si drôle. On prétend qu'il regarde beaucoup Madame une telle. Ce n'est pas vrai. Jamais je ne regarde parce que je suis à mon idée. Jamais je ne regarde, parce que je suis à mon idée. Alors, donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un général, avec 2 officiers d'état-major, 2 jeunes gens. Oh, ces jalousies de salon. C'était le moment. Je commence. Succès complet. C'était gonflé comme ça. Geste. Des ballons. Ça marchait si bien que, ma foi, je me permets une licence, une innovation. J'avais demandé à 3 demoiselles de me faire des cornets de papier, beaucoup de cornets de papier. Je retire la poêle, je prends les pommes de terre, j'en mets une dans chaque cornet, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de morceaux. Je les ai comptés. Toutes les dames en avaient, et je les lance. Geste. Comme ça. Ça tombait sur les dames, sur leurs éventails, sur leurs épaules. Ça a eu un succès. Malheureusement, je fais un faux geste. Un des cornets arrive dans l'œil du général. Le cornet s'ouvre, la pomme de terre tombe dans ses bottes. Il éternue, il se frotte l'œil. Un des jeunes gens de l'état-major vient à moi. Je ne sais plus ce qu'il me dit. Enfin, c'était une affaire. Je n'aime pas les duels. Je ne me battrai pour rien au monde, excepté pour mon idée. Oh non, je n'aime pas les duels. Je ne suis pas militaire, pas du tout. Aussi, sur le terrain, j'étais dans un état. Je ne savais pas où j'étais. Ce n'était pas gai. Avec ça, je ne sais pas un mot d'escrime. Je n'ai pas travaillé ça. On me met une épée dans la main, la tête me tourne. Je crois tenir la queue d'une poêle. Je tourne, je fais ça. Il s'avance sur moi. Je ne sais pas comment ça se fait, je l'ai tué. Les témoins ont prétendu qu'ils ne connaissaient pas ce coup-là. Aussi, j'ai failli être poursuivi. Mais on a étouffé l'affaire et on m'a envoyé comme attaché de troisième classe à Birmingham. Qu'est-ce que j'ai fait à Birmingham? Toujours la même chose. Quand vous avez une idée, il faut la suivre. J'ai fait des pommes de terre soufflées. Rapport favorable au ministère des Affaires étrangères. Deuxième rapport très flatteur. Il y a eu des lords qui sont venus. Ils étaient très contents, les lords. Mais il y a la femme d'un gros fabricant de rasoirs. On fait des millions sterling dans cette maison-là. Enfin, cette dame a fait un éclat pour moi. Alors, on m'a nommé deuxième classe au Japon. Au Japon? J'ai fait des pommes de terre soufflées. On m'a rappelé ici, et je suis de première classe. La valse commence. Fausse sortie. Ayez une idée et suivez-la. Je vais vous expliquer comment ça se fait, des pommes de terre soufflées. Ça ne vous servira à rien, c'est éventé. Ah, cette valse. Je n'ai pas le temps. Un dernier conseil. Ayez votre idée à vous et suivez-la. Marquise, je suis à vous. Et vous réussirez. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.